Ce matin, nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont connectés. Le micro n'est pas opérationnel. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Dans Colossiens au chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14. Colossiens au chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Nous te bénissons, notre Père, pour une matinée que tu nous as donnée, pour venir en ta présence et pour t'adorer. Comme la pluie qui tombe sur le sol ne peut retourner sans donner la semence aux agriculteurs, descends ce matin, Seigneur. Arrose nos âmes et que ta bénédiction soit sur nous. Bénis chaque frère et chaque sœur. Souviens-toi que nous sommes des hommes faillibles, mais nous comptons sur l'œuvre du Calvaire. Accorde-nous ta grâce. À ceux qui sont malades, donne la guérison. Ceux qui ne sont pas sauvés, accorde le salut. Ceux qui ont des problèmes, c'est toi la solution. Ceux qui ont des doutes, enlève le doute en eux. Ceux qui ne mènent pas une vie sanctifiée, sanctifient leur vie. Car ton retour est imminent. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Et prions ainsi. Amen. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Dans quand Paul nous écrit, il nous parle comme ses bien-aimés. Il nous parle comme à des élus de Dieu. Et il nous instruit comment il faut vivre. En tant que bien-aimé, saint et élu de Dieu, les sentiments qui doivent nous animer, les uns envers les autres, sont les sentiments de compassion. Savoir compatir avec les autres dans leurs difficultés, dans leurs épreuves, savoir être bon avec un sentiment de vouloir faire du bien aux autres. C'est le sentiment qui doit animer chacun de nous. Nous devons être animés de sentiments d'humilité. Qui nous amène à voir notre frère ou notre sœur comme étant au-dessus de nous. Et dans toutes nos relations chrétiennes, la douceur doit nous animer. Savoir parler les uns les autres avec douceur. Nous devons éviter de parler méchamment avec nos frères, avec nos sœurs. Et nous devons être patients. Comme nous sommes assis ce matin, chacun de nous, et tout le monde n'a pas la même foi. Non, mon frère. Non, ma soeur. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Il y a des sympathisants au milieu de nous qui n'ont pas encore cru, mais dans leur cœur, ils nous aiment. Ils aiment cette église. Ils apprécient ce que nous enseignons, mais ils n'ont pas encore de décision. Ils ne sont pas chrétiens. Au milieu de nous, il y a ceux qui ont déjà fait l'expérience de la justification. Ils sont nés de nouveau, mais ils ne mènent pas encore une vie sanctifiée. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Un homme qui est encore dans la justification, vous ne le demanderez pas d'agir comme quelqu'un qui est dans le baptême du Saint-Esprit. C'est un bébé dans la foi. Il y a des choses qu'il peut supporter. Il y a des choses qu'il ne peut pas supporter. Il n'a pas encore toute la lumière de la parole dans son cœur. Il a encore des combats engagés. Il n'est pas parfait dans ce qu'il fait. De temps en temps, il peut broncher. Il peut se comporter mal. Mais c'est un chrétien. Mais il est encore un enfant. Nous ne devons pas le juger avec méchanceté. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Il y a ceux qui traversent la période de la sanctification. Comme ils aspirent au baptême du Saint-Esprit, ils ne supportent pas le mal dans leur vie. Ils s'humilient, ils se repentent, ils confessent, ils réparent leurs torts, parce qu'ils veulent être de véritables chrétiens. Et il y a parmi nous des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ce sont des hommes adultes. Ils comprennent correctement les choses de Dieu. Ils peuvent supporter les autres. Ils peuvent encourager les autres. Vous voyez. Même dans leur marche chrétienne, ils n'ont pas de questions. Ils comprennent la parole de Dieu. Quand une correction arrive, s'ils étaient dans l'ignorance, ils se redressent, il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde dans l'église ne peut pas avoir le même comportement. Parce que d'abord, dans les naturels, Dieu ne nous a pas donné la même nature. Même si nous sommes enfants de Dieu, même si tous nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous n'avons pas le même caractère. Nous n'avons pas le même tempérament. Mais chacun pour sa part s'efforce à être comme Christ. C'est la chose essentielle. Alors nous supportons avec espoir que ceux qui n'agissent pas correctement aujourd'hui les feront demain par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture dit supportez vous les uns les autres. On ne supporte pas une bonne chose. On ne supporte pas un bon comportement. On supporte ce qui est mal, ce qui n'est pas juste, mais avec l'espoir que ça va changer. Comme nous sommes chrétiens et que nous sommes nés dans le royaume de Dieu, certainement le frère ou la sœur, avec la patience du Seigneur, il abandonnera son péché, il abandonnera son comportement, il abandonnera son caractère, il abandonnera son langage, il abandonnera ses agissements. Alors nous le supportons. Et quand nous supportons quelqu'un, nous prions pour lui. C'est pourquoi l'Écriture dit, ne vous plaignez pas. Les plaintes ne sont pas une bonne chose dans l'Église. Quand on se plaint beaucoup, on s'affaiblit soi-même. Vous voyez, quand quelqu'un se plaint beaucoup, il y a aussi quelque chose de faux dans sa vie. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas corrects dans leur agissement, mais qui veulent qu'on les supporte, qu'on leur accorde du temps, qu'on les patiente. Mais ne supportent pas les autres, ils ne veulent pas patienter les autres. Cela est faux. Ne vous plaignez pas. Au lieu de vous plaindre, priez pour la personne qui agit encore mal. Les plaintes ne résolvent rien, même dans les couples. Ça n'enfonce que celui qui se plaint. Ne vous plaignez pas, mais pardonnez. Un chrétien a un cœur flexible. Un cœur qui comprend les autres. Moyo ya kusikia kwa wengine. Qui se met à la place des autres. Moyo ya kujiweka pa fazi ya mtu mwingine. Et qui est capable de pardonner. Na mwenye kwa na uweza kusamehe. Et de comprendre que si il a fait ça. Na kuelewa kwamba kama si ma soeur a fait ça. Kama dada yangu alitenda hivi. C'est un humain comme moi. Ni mtu binadamu sawa mie. Ça peut aussi m'arriver. Inawezi na mimi kunifikia. Il a pas fait sciemment. Asikutende kwa makusudi. Alors je le pardonne. Bale basi namsamehe. Et j'oublie cela. Na mimi nasabu ile mambo. C'est pourquoi. Njoo kwa maana. La parole nous exhorte inatusubutisha d'avoir de l'amour au milieu de nous. Katikati yetu tupate kuwa na mapendo. Parce que l'amour mapendo supporte tout. Iko na vumilia kabiote. L'amour mapendo n'est pas égoïste. Haina ya kujipendelea. L'amour ne considère pas ses propres intérêts. L'amour considère les intérêts des autres. Voyez bien, mes frères. Et l'amour est le lien de la perfection. C'est ça qui doit nous cimenter. L'amour doit cimenter nos relations. Quand vous aimez quelqu'un, vous le supportez. Quand vous aimez quelqu'un, vous le pardonnez. Quand vous aimez quelqu'un, vous prierez pour lui. Quand vous aimez quelqu'un, vous serez gentil envers lui. Quand vous aimez quelqu'un, vous le considérez comme étant au-dessus de vous. Quand vous aimez quelqu'un, vous savez comment parler avec lui avec douceur. Vous n'agirez pas méchamment envers lui. C'est pourquoi l'amour doit cimenter nos relations. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous devons être. Nous continuons avec nos questions-réponses. Nous nous sommes arrêtés à la question vendredi, à la question 18. Un frère ou une sœur avait posé la question de savoir comment gérer notre téléphone conformément à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous prenons la question 19. Si un frère ou une sœur a cru à la parole de Dieu. Aliamini neno la Mungu. Et dans sa marche avec Christ, na katika safari yake na Kristo, il néglige la parole. Anasula neno. Il fait des aventures. Anaenda kufanya kanya bitu. Ainsi de suite. Avifuata iba sho munjia. Et un jour, na siku moja, il comprend que ce qu'il faisait était contraire à la parole de Dieu. Siku moja anaelewa kwamba maneno aranda kutende ilikuwa kinyume na neno la Mungu. Et si il décide de revenir à Dieu, na kama anabeba mpango kumrudiria Mungu, en lui demandant pardon, kumuomba usama, Dieu peut-il le pardonner? Eti Mungu anaweze kumsamehe? Merci pasteur. Asante pasteur. C'est une petite question. Et pour répondre à la question, à la question du frère ou de la sœur, si un frère ou une sœur ayant cru à la parole de Dieu dans sa marche, il néglige la parole. Anafika mkusula neno la Mungu. Il fait les aventures. Aenda kufanya kanyamba bitu yasho munjia. Je réponds à cette préoccupation. Unajibu kuihangaiko. C'est déjà, sa vie prouve. Maisha yake inahakikisha. Qu'il n'a jamais cru. Ya kwamba hayaamini bado. Croire ne signifie pas. Kuamini haimaanisha hapana. Adhérer au tabernacle par le baptême d'eau au nom de Jésus. Ujiunga kukani makutano kupita tu ubatizo mu maji mengi mu jina la Yesu Kristo. C'est une chose que nous efforçons à faire comprendre à chaque membre de cette église ici. Croire ne signifie pas adhérer au tabernacle, au Kambov tabernacle, à travers les baptêmes d'eau au nom de Jésus, non. Croire implique une révélation directe qu'un homme reçoit dans son cœur à l'égard de Christ. Celui qui croit fait une expérience personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ à travers la parole qu'il a reçue. Croire, c'est un acte surnaturel divin venant dans votre cœur. Dieu doit agir dans votre cœur. Dieu doit parler à votre cœur. Dieu doit créer quelque chose dans votre cœur. Il est impossible à un homme qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, qui a reçu une révélation directe de Dieu, qui croit réellement, qui après son baptême, se replonge encore dans son ancienne vie. Cela est faux. Ba frère beauté, tous les frères, na ba sœur beauté, toutes les sœurs, qui chaque jour font un baptême, ba kanisa na kubatiziwa, une fois baptisé dans le monde, et devenu membre, mais qui continue à vivre dans le péché, dès qu'on a sous la neno la mungu, il continue à négliger la parole de Dieu, dès qu'on endele à mbucharati, dans la vie d'adultère, dès qu'on endele à mbuishi, il continue dans le vol, dans m'aventure mbalimbali, dans aventures, bantu ba ile namna, les gens, abayamini bado, jamais cru. Est-ce que c'est clair? Maintenant, un jour, il comprend que ce qu'il faisait. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'avait jamais cru. Un jour, en fréquentant l'église, Dieu parle maintenant à son cœur. C'est à ce moment-là que les écailles tombent. Il comprend qu'il agissait mal. Il comprend qu'il était un païen, une païenne. Voilà maintenant, il prend la décision de demander pardon à Dieu. Il commence par la repentance. Parce que vous voyez qu'au début, il ne s'était pas repenti. Il avait adhéré. Il est devenu membre de l'église. Il comprend. Continuez dans ces aventures. Parce que quand vous adhérez à l'église, au Kambov tabernacle, l'église ne peut rien faire pour vous. Le pasteur ne fera rien pour vous. Ce n'est pas le pasteur qui change les gens. Ce ne sont pas les diacres. Ce ne sont pas les bâtiments. Ce ne sont pas les frères et les sœurs. C'est Dieu qui sauve les gens de la vie mauvaise. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Pas le pasteur. Pas l'église. Maintenant, quand il comprend qu'il était toujours un pécheur et qu'il prend la décision de se tourner vers Dieu par la voie de la repentance, parce que c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est demandé dans la parole. Dieu peut-il le pardonner? Je réponds à cette préoccupation. Si il est réellement sincère et qu'il ne fait pas des aventures, certainement il sera pardonné. S'il se répand sincèrement, il demande pardon à Dieu avec une décision d'échanger complètement, Dieu lui accordera son pardon. Dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel au chapitre 18. Ézéchiel, sura ya 18. Dans son verset 21, Musara makumbi la moja, verset 22, ata ufika makumbi la mbili. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, kama mutu mubaya anaacha mazambi yake yote alitenda, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, kama anaheshimia masheria zangu na anatumikia uwaki na unyofu, il vivra, ataishi, il ne mourra pas, hasta kufa hapana. Toutes les transgressions kuvunja kwake kote kwa sheria qu'il a commises seront oubliées. Aliwezi kutenda batabusabwa. Il vivra ataishi à cause de la justice qu'il a pratiquée. Juu ya uwaki ile alitumikia. Ce que je désire, nye minapenda, est-ce que le méchant meurt? Est-il ndu mutu mubaya apate kufa? Dit le Seigneur, Bwana amesema, l'Éternel, milele, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Chini yeye apate kubadilisha mwenendo na apate kuishi. Voilà la volonté de Dieu. Tazameni hii ndio mapenzi ya Mungu. Quand quelqu'un abandonne la voie du péché, anacha njia ya zambi, il se repent sincèrement, anatubu kwa moyo wa haki, il demande pardon au Seigneur, analomba huruma kwa Bwana, il prend la décision de le suivre, anabeba mpango wa kumfuata, et d'abandonner son ancienne voie, acha manjia yake ya zamani, Dieu lui sera toujours favorable. Bale Mungu atawezi kumfurahikia na kumpokea. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate mibariki. Il le fera certainement. Ataitenda uhakika. Parce que Dieu ne veut pas yeye ashipende la mort de celui qui meurt. Baole mutu kona kufa. Dans le verset 27, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de compliqué. Après votre baptême, si vous êtes toujours désobéissant, vous vivez dans la méchanceté, dans le péché, aucun changement ne s'opère en vous, c'est un signe qui prouve que tu es un païen et que tu n'as pas encore cru. Mais quand vous prenez la décision de changer et vous commencez par la voie de la repentance, vous demandez pardon, Dieu vous pardonnera et vous irez de l'avant dans votre foi. 20e question. Ulizo wa makumi mbili. Que dois-je faire? Nini minawezi kufanya? Pour recevoir njua kupokea l'amour de Dieu, upendo ya Mungu, la sagesse, hekima, l'intelligence, akili, et le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Bien-aimés frères et sœurs, je réponds à cette préoccupation. Dada, na jibu kui ulizo. Je vous ai toujours demandé d'être attentif. Kilamara na miombaka muwe wasikilivu. Chaque fois que nous prenons la chair. Kila wakati tukibeba mimbari. Ou chaque fois que nous prenons un enseignement. Wala kila mara tukibeba mafundisho fulani. Chaque enseignement que nous prenons ici. Kila mafundisho tukunabeba hapa. Ou chaque prédication que nous prenons ici, voilà qui la maubiri, tu kunaleta hapa, a un objectif. Iko na kifukuzio. Voyez frère. Unaona nduku. Voyez sœur. Unaona dada. L'objectif fondamental, principal, kifukuzio wa msingi, qui nous amène à vous apporter la parole, c'est de conduire tout frère et toute sœur à des véritables expériences du salut avec le Seigneur. Nous voulons voir chaque frère, chaque sœur naître de nouveau, Azali kumara ya pili, mener une vie sanctifiée, aishi maisha ya utakaso, baptisé du Saint-Esprit, abatiziwe na Roho Mtakatifu, marchant comme un chrétien adulte, na mwenye kutembea ama mukristo wa kukomala, dans la foi, katika imani. Cette parole que nous apportons ici, ineno tukunaleta hapa, elle a toujours un objectif de vous corriger, de redresser, de vous donner une connaissance juste, exacte dans les choses de Dieu. L'enseignement comme la voie du salut. L'enseignement comme qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Comment il faut recevoir le Saint-Esprit? Ce sont des enseignements qui sont liés directement au salut des âmes. Suivez ces enseignements avec beaucoup d'attention. Et vous ferez de bonnes expériences avec le Seigneur. Le frère ou la sœur veut savoir comment recevoir l'amour de Dieu, la sagesse, l'intelligence et le Saint-Esprit. Pour répondre à cette préoccupation, j'ai dit au frère ou la sœur, premièrement, recevez la personne de notre Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. C'est tout. Et le reste des choses ici. Recevez la personne de Jésus-Christ dans votre cœur. L'amour de Dieu, la sagesse, l'intelligence, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le perfectionnement de la foi viendra. Toutes ces choses-ci viendront dans votre cœur. Et dans votre marche avec le Seigneur, demandez la sagesse à Dieu. Demandez l'intelligence. Si vous constatez que tu n'es pas intelligent et tu n'es pas sage, demandez cela à Dieu. Jacques nous a enseigné cela. Il parle aux chrétiens. Jacques chapitre 1. Il faut qu'il y ait attentif. Il faut être attentif. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Et lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Pourquoi? C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Kama unaanza kuomba kitu kwa Mungu, unaanza kuomba Roho Mtakatifu, bakia uko naomba Roho Mtakatifu, paka pale utaipata. Unashimama. C'est alors que tu peux te retirer de là. Leo unaomba. Aujourd'hui tu demandes. Kesho unaacha kuomba. Demain tu arrêtes la prière. Hauna na imani. Tu n'as pas de foi. Tu es irrésolu. Hauna na mipango. Tu es vraiment irrésolu dans la vie. Il faut que chacun de nous comprenne que tout homme vit par ses propres décisions. Quelqu'un qui n'a pas de décision, c'est un vagabond. Il ne peut rien faire dans sa vie. Et cet homme-là, ou cet homme souffrira beaucoup. Mon Christ, un chrétien, c'est un homme qui vit selon les décisions qu'il prend. Quand si tu prends la décision disant que c'est un décide, il faut que je cultive un hectare. Même s'il n'a pas d'argent, il fera tout ce qui a son pouvoir. Naïle Mupango, pas qu'à un hectare inéné, Joro Yakinatibis. Il a une atelier. C'est là qu'il sera tranquille. Voyez bien, mes frères. Quand vous décidez d'avoir quelque chose, même dans la vie, ni Yemi Konafunda, ni Pakadjouakouya, ingénieur de mine, on étudie avec une détermination. Voyez frère, voyez ma soeur, ni Yemi Nababem Mpango, je prends la décision, Pakadjouakouya, je paye un vélo, Aounouzetoukoutoukou, je paye une moto. Aussi longtemps, aussi longtemps que je n'ai pas encore mon cœur n'est pas au repos. Je travaille durement. J'ai pris le Seigneur. J'implore la grâce de Dieu. Voyez, que Dieu m'ouvre les portes qui me permettront d'obtenir mon objectif. Voilà un chrétien. Quand je prends la décision disant que je suis vraiment tourmenté par le mensonge. Vous allez prier, demander le secours de Dieu. Avec détermination. Na mpango yote. Unabakia huko na omba. Paka pale bongo itaisha. Jusqu'à ce que tu vas te débarrasser de la vie d'adultère. C'est alors que tu vas arrêter de prier. C'est jusqu'à ce que ma prière se matérialise, devienne une réalité. Voilà comment un chrétien fait. C'est vrai, frère. À part à quelqu'un d'irrésolu, inconstant, dans tous ses mois, en avant bas, pas, à bien de que, en avant bas, pas, à bien de que, oh, mina prima prima mangia yote, michino na solution, ou quoi irrésolu, vous n'avez pas un objectif, vous n'avez pas une décision, fixe-toi. Fixe-toi un but, un objectif, et travailler en conséquence. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est ça un homme. Vous voyez, tu y as une zombie. À cause de ce péché, pas qu'il n'a pas tant d'années, mais il va disparaître dans ma vie. Je vais arrêter de jeûner. Vous combattrez. Attends, on a Moukaleo. Tu te relèves. Dis bongo yako. Tu continues. Tu résistes. Tu tombes. Tu te relèves. Ça vous prouve que vous êtes un homme, une femme qui a la vie de Dieu en vous. Parce que vous êtes contre la chose. Si vous manquez quelque chose, demandez cela au Seigneur. C'est ce que nous pouvons lire aussi. Dans 1er Roi chapitre 3, vous verrez que Dieu et Salomon avaient demandé la sagesse pour conduire le peuple. Donc, ce qui est important, soit d'abord un enfant de Dieu, dans ta vie, les choses ici viendront, et dans ta vie, un homme prenant des décisions, et que tu aies un objectif. Et Dieu répondra à votre prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. 21e question. Ulizo ya makumi mbili na moja. J'aimerais être éclairé napenda nipate mwangaza sur ce qu'il faut être yulu ya kile inapasha kuwa ou avoir comme statut wala kile unapasha kuwa nayo ama umbo kimo c'est-à-dire standing au niveau hein? Kimo oui oui comme statut kimo ou qualité en dépit d'être chrétien wala ali unapasha kuwa nayo hata kama uko mkristo pour non non pour être en dehors ya Christo ni kintu kanikile ambao mina pasha kufuanya jini kwe mu niveau mukipimo fulani en dehors de la question de qu'est-ce que je dois faire pour avoir pour atteindre un tel standing et en dépit d'être chrétien ata kama kwa Christo en dépit d'être chrétien ata vile kwa Christo pour bénéficier aussi bien que pour bénéficier aussi bien que les autres les privilèges tels que être accompagné en cas de deuil par la délégation des diacres ainsi que beaucoup d'autres membres, peu importe là où se trouve le lieu du deuil. Chose qui ne se fait pas quand un frère ou une sœur de faible statut social perd un membre de sa famille. Étant donné que ceci refroidit ma foi et me pousse à croire à une raison ou une autre, notre assemblée est constituée de deux classes, dont les surestimés et les sous-estimés. Notre frère ou notre sœur veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire après avoir été chrétien ou après qu'on est devenu chrétien. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour occuper statut naturellement, nous sommes en Itagasin. On appelle ça comment? Non, non. C'est-à-dire, un certain niveau élevé. Non, non. Il y a un terme là qu'on utilise qui est un peu plus clair que ça, que ce que le frère dit. C'est-à-dire, quelqu'un qui est plus considéré. Donc, avoir un certain niveau. Pour que, quand il a deuil, wakati anapata kilio, qu'il y ait une délégation de diacres et une délégation de beaucoup de frères mingi, pour aller l'accompagner. Et pour le frère, il a constaté que dans cette église, il y a les frères qui sont privilégiés, les sœurs, et les autres qui ne sont pas privilégiés. C'est-à-dire, quand ils ont des deuils, on ne les rend pas visite, on ne les console pas, et pour les autres, ils sont entourés. Que Dieu vous bénisse, frère ou sœur qui a posé la question. Je commence à répondre à cette question de cette manière. Je vais le faire lentement. Ni napenda kujibia ulizo na upole, pole pole, mwinamuna. La première chose que je vois dans ta question, kitu kya kwanza kimi naona mwi ulizo yako, vous avez premièrement un complexe d'infériorité. Kwanza, uko najiona kusema uko wa chini. C'est la maladie que vous avez. Il est de magonjo konayo. et ce complexe d'infériorité ne vous aidera jamais à croître et à voir correctement les choses dans l'Église. Moi-même ici en tant que berger, je vais vous poser une question directe. Y a-t-il dans cette église un frère ou une sœur membre de cette église qui a perdu son père ou sa mère, qui a perdu son enfant et qui n'a pas été assisté par cette église, qu'il mette sa main. Vous voyez que c'est votre question ici, c'est une question qui prête intention à l'église. Aujourd'hui c'est dimanche. Je pose la question. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a déjà perdu dans cette église depuis que je suis pasteur ici, son père ou sa mère, son fils ou sa fille, ou quelqu'un dans sa propre maison qui n'a pas reçu quelque chose de cette église? Si vous êtes là devant Dieu, lève-toi, dites, mon père était mort ici, ma mère était morte ici, je n'ai vu ni pasteur, ni ancien, ni diacre, ni sœur, ni un frère. Donc, déjà, comme il n'y a pas de main levée, ça prouve déjà que votre question elle est fausse. Vous devez vous repentir parce que vous calomniez l'Église. Chaque frère, avant de répondre à la question, chaque membre de cette Église qui perd son père ou sa mère, même si son père n'est pas ici, il est décédé au Kassai, il est décédé à Kabongo, il est décédé à Mouchacha. Il reçoit de cette église toujours une enveloppe. Nous n'allons pas demander aux membres de l'église de cotiser parce qu'on n'a pas été ici. Nous nous arrangeons en tant que berger. Même si je ne suis pas là, c'est Mouzé qui est là. Même si Mouzé n'est pas là, nous donnons les ordres. Je dis à Mouzé, occupez-vous du frère ou de la sœur qui a perdu. On regarde ce qu'on a dans la caisse. On fait une petite enveloppe qu'on donne au frère ou la sœur pour lui permettre d'aller plaire son père ou d'envoyer au village pour assister ceux qui sont ceux qui ont préparé les là-bas. Vous voyez, frère, si il a perdu son père ou sa mère dans les environs, ici, il n'est pas ici à Kambov, comme le cas des frères Mike. N'attendez pas que toute l'église aille chez Katanga. Nous sommes des bergers. Des amis propres et intimes dans l'église, peut-être peuvent t'accompagner. Mais nous, en tant qu'église, nous prenons des dispositions Soit c'est moi qui parle, comme dans le cas des frères qui a perdu le frère, son papa. Moi j'étais à la chair, je ne pouvais pas quitter la chair. J'ai demandé à l'ancien et à un diacre d'aller nous représenter. Quand vous voyez l'un des conducteurs, comprenez que c'est l'église, il vient représenter l'église. Vous voyez, nous l'avons toujours annoncé ici, que ceux qui ont des moyens, c'est votre père ou votre mère qui est décédé, Lumbashi Kolwezi, on demande à ceux qui ont des moyens de vous accompagner. Mais nous nous faisons toujours un geste pour vous faciliter d'aller enterrer votre papa correctement. Si la caisse ne nous permet pas de vous assister au départ, dès le départ, quand vous partez, à votre retour, quand vous revenez, nous viendrons avec une enveloppe pour te consoler. Il ne faut pas nous accuser. C'est un problème qui est lié au complexe. Merci, mon frère, ma soeur, pour votre question. Mais vous, en tant que chrétien, tu es appelé à grandir. Et grandir en toutes choses dans votre marche de la foi. Vous voyez, frère, et avoir un jugement juste. Vous voyez, Paul a interpellé les gens de Corinthe. Lisons un peu cette écriture qui me vient à l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans son verset 20, Paul dit ceci. Frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Un enfant de Dieu, ni muntu eko na muwa, c'est quelqu'un qui a un jugement, muzuri. Toutes choses correctement. Maintenant, pour répondre à la préoccupation du frère de la sœur. Premièrement, vous devez savoir que l'Église ne peut jamais s'occuper de tous vos problèmes. Solutionner tous vos problèmes. Même si elle a la bonne volonté. Pourquoi? L'Église Kanisa n'a pas ces moyens-là. Aina na ile namuna. Si vous attendez que l'Église Kanisa trouve solution à tous vos problèmes, ilete jibu kumambo yenu yote, vous ferez certainement une fausse route. Akika kweli utabikotola tu. Et vous serez achopé. Na utakwala. Cette église, la nôtre, aina na franga, n'a pas d'argent ya kumaliza ma besoin ya mwebote, pour répondre à tous vos besoins. Parce que moi-même, qui suis votre berger, j'ai mes problèmes, il est en bas au chiakou à la solution. Je n'ai pas encore trouvé il est moi en tant que Kanisa. Vous en tant qu'église. Parce que moi, je n'ai pas encore été riche. Parce que vous qui allez vous devez me vêtir. Vous devez vous occuper aussi de moi. Parce que je suis aussi une brebis comme vous. Mais moi-même, vous en tant qu'église, vous n'arrivez pas à trouver solution à tous mes problèmes. Moi-même, je ne trouve pas solution à mes problèmes. Je me tamalise mambo yenu. Et c'est moi qui. Kanisa yoyenye dans son entièreté, elle-même, aimalise mambo yayo. N'apporte pas solution à ses propres problèmes. kumaliza mpaka mambo yako. Akwambia plus forte raison tes problèmes. La Bible dit. Bien nasema. La bonne volonté, moyo mwema, lorsqu'elle existe, wakati iko hapo, elle est agréable en raison de ce qu'on a. Iko ya mzuri kufuatana na namna ile uko nayo. Et non de ce qu'on n'a pas. Hapana na ile hauna nayo. Hata miko mnumiko mnumiko na roho mzuri. Même si je suis de bonne foi pour même vous aider. Même si kanisa. Aïe, à cette bonne volonté. De vous aider. L'église ne peut vous aider. Inaweza kukusaidia. Que selon ses moyens. Kufuatana na namna ile iko nayo. Hii kanisa yenye hapa busubuhi tuko nasema. Hii kanisa iko na ndeni. Cette église a une dette. Iko na muyembelela. Vraiment, c'est mi mwenye pasteur wangu niko na mandeni niko na niembelela. Niko na kombana nayo cha kuimaliza. Kama hii kanisa ilikuwa suffisamment na mamoyen. Ilikuwa kabisa kabisa na namna. Na mimi sio hiki ngari buchafu. Les murs sont sales. Est-ce que tunaisha kuisha kuienga? Est-ce que nous avons déjà terminé la finition? Kabiri yenu yo ile kule. Est-ce que tunaisha kuienga? On a terminé. Ma écran de fouille l'ongulaka na mafara na mafoudre. Est-ce que nous avons déjà payé d'autres écrans? Ma condition à ma toilette, elle est mouconaille. Est-ce que vous pensez que dans mon cœur, c'est ça? C'est ce qui est dans mon esprit? C'est avoir de telles toilettes-là qui sont comme une porcherie? Non, frère. Non, ma soeur. Cette bonne volonté de faire du bien à chaque membre de l'église, de faire du bien à cette église ici, bien fait, propre. Cette volonté, nous l'avons. Nous n'avons pas de moyens. Dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Et non, apana, de ce qu'il n'en a pas. Na ile, auna nayo. Voyez, frère. Naona nduku. Comprenez que mwelewa ya kwamba, cette église kanisa, a la bonne volonté iko na moyo mwema, d'assister chaque frère ya kusaidia et chaque soeur dans ses difficultés. Katika magumu yake. Day, iwe kilio, nudité, ukosewa kama vazi, manque la nourriture, ukosewa chakula, maladie, magonjwa ikifika, avoir un logement décent où vous pouvez habiter, kuna fazi mzuri unaweza kupangia. L'église a cette volonté, iko na ile moyo mwema kusaidia. Mais on n'a pas de moyens. Chacun de nous doit comprendre ça. Et quand vous êtes en difficulté, vous venez devant l'église. Kanisa, frère, quand on a compatié à temps, 30 dollars, 10 000, 20 000, voilà, pour Kanisa, comme franc, Christ ou né de nouveau, Kanisa, si qui a le Saint-Esprit, tu dois dire merci Seigneur. On a pas de avant de se plaindre. Ikala mbele wewe mwenyewe unasema mimi mwenyewe en tant que membre wa kanisa. Moi en tant que membre de cette église. Le premier. Du premier. Du mois jusqu'au 31 décembre. Combien d'argent ai-je déjà déversé dans la caisse de l'église pour contribuer à son avancement financier? Parce que l'église n'avance pas seulement avec la parole. Il faut avoir l'argent. Il y a parmi vous ici, quand il y a le premier, jusque le 31, quand Marito a makuta ya mingi sana, ni 5000 francs. Ni 1000 francs. Vous voyez, Naona, 10 000 francs. 1000. Pendant un mois, mwezi mzima, on a toi 10 000 francs. Tu donnes 10 000 francs. Mais quand toi tu as des problèmes, l'église te donne 100 dollars. $100. Est-ce que tu ne dois pas avoir honte? Eti, honnêtement. Haya, kwa moyo tu, ya, wazi. Nous voyons ici Sanduku. Voyez, pour la contribution à la construction. On commence par ici. Il y a deux frères qui donnent, qui déposent, deux sœurs déposent dans le corbeil. On va deux, trois banquettes. Quand on va là, et on va du côté des frères, on récolte l'offrande de la construction. C'est combien? Ningapi. C'est 270. 270 000 francs. Quand on compte les dîmes, vous donnez combien? 500, 500 000, 5 000. Vous pensez que cette église ici, avec 5 000 que vous donnez, 5 000 francs à l'État, vous voyez, avec 1 000 francs que vous donnez, 1 000 francs à l'État, peut résoudre ce problème? Vous voyez, c'est faux. On a une ville. Quand vous donnez à l'église, vous donnez 5 000. Mais quand vous, voulez maintenant contribuer à ta propre maison, là vous dépensez 100 000. Si vous payez des motos, vous construisez des maisons, vous faites les champs, il est maquillé. Ni 10 000, pour ni 20 000. Est-ce 10 000, 20 000 francs que vous apportez? Vous voyez, frère? On a un andou. C'est fou. Mbaye. On est calme, on est calme, on est là, dans l'église, tu t'es dit. Ça veut dire que ma catégorie, avant tout élevé, comme tu l'écris ici. Il est le numéro 1 de la Jekamine ici. Mwende kunyumba yake. Les enfants passent nuit sur la nyumba yake ina na plafond. Sur sa maison, on n'a pas de plafond. Vous voyez? Naona. Ma milango ya kuna eko na weka triplex juu ya kulala. Mais le triplex pour passer nuit. Sans, toi tu veux que Mbaze? Ou la peine d'Mbaze? Alete makuta yake yote ile. Son argent. $1,000 na mpatia à quoi les tokanisa juste pour s'aider na. Pour t'aider avec. Vous voyez pas que c'est de la méchanceté? Amona c'est ni rombaye. Moi, c'est que juger, ben, tu vis, moi, il est namouna. De voir les gens qui s'établissent là, évitez de se plaindre sans cause. C'est un mauvais esprit. Il est comportement, il t'a kuzuiza, wendele na Mungu. Et je vous dis clairement, frère et sœur, au kuamini, ju tu kusaidie, uriamini, ju upate bushima ya milele. Oui, Dieu occupé na bujima milele. Bakusaidie, abakusaidie. Ta foute en belle bujima milele. La vie éternelle. Tumika na nguvu yako. Na we upate okintu fulani. Yako ya kusaidia hii kanisa. Aider cette église, soutenir cette église. Nous devons éviter les esprits dénominationnels. L'église ici n'est pas une mutualité. Or, ni mapenda, bana na mapenda. Je donne l'exemple. Aina bongo, vous voulez aller, basi ye ule kupali. Kama unapenda, ni kubebe motoka, tuwele na we kwa mbazi. Kumumba yake, hakuna mulango, kwako kuriko na mulango. Chez toi là, tu as une porte. Kisha mukichwa yako, unana seme, tu penses que, oh, il a beaucoup d'argent, c'est lui qui va donner l'argent. Bana l'état kama kuta. On apporte l'argent, non. Ce n'est pas ça. C'est de la méchanceté. Il est niro tumbaye. D'abord, il faut te faire une cotisation. D'abord, nous devons cotiser. Tout mon pas, tout mon gier milango. Pour payer les portes. Voyez, frère. Et c'est encore un faux esprit. Permettez que je dise ça. Que j'ai remarqué. Moi, ma frère, moi, tu connais un mariage. Mon frère qui organisait les mariages. Pourquoi mon apprenda qu'à pas qu'en base et mouchimami? Mon apprenda en baillon et mouchimami. Mon apprenda rifin et mouchimami. Pourquoi vous le faites? C'est parce que dans vos cœurs, vous êtes faux dès le départ. Vous suivez aussi des intérêts derrière ces frères. Tu vois, comme on a tout au mariage, à coupiquer, vous avez le ventre beau, t'es avec tous les gens. Pourquoi moi, baigné, en bébé, que ma femme qui est? Vous ne prenez pas le feu de kiwe, comme frère Chilongo, chez comme qui est? Chilongo est à kiwe. Pourquoi mon bébé, que frère Chilongo, vous ne prenez pas le feu? Parce que frère Chilongo, Kushimama, ni vous témoin. C'est être témoin. Ça, c'est suffisant. Monte au tatawez, quoi, on a pris le tata, Kushimami. Pourquoi tu fais toujours qu'elle Kushimami? Pourquoi tu veux que Douglas Akushimami? Pourquoi Douglas soit le parrain, le témoin? Si tu ne cherches pas d'intérêt. Comment t'as foutu faïda? C'est faux, frère. Il est Aina Muzuri. Non, si on ne dit pas certaines choses, c'est par sagesse. Wazi, bingile tu ni kwa ikima tu. Moi, je vois ma frère Batepe. Moi, je m'en vais ma frère Beston. Est-ce que frère Beston a eu pour signer mon kitabu ya l'état? J'ai pas signé. Il va signer. Pourquoi vous voulez toujours ça? Et vous-même qui élevez les gens, et vous-même qui commencez à dire qui a déjà élevé, d'abord c'est une fausse accusation que je refuse. Il n'y a pas des gens qui sont aimés comme les frères qui sont avec nous. Est-ce que moi, ah, ni nana tajua seme. Qui saura que tel. Ah, unani Gignas ou le directeur. Mais Gignas est directeur. Ni nana tajua seme. Gomez ou. C'est une autorité. Et Omonye Mamlaka. Ni nana tajua seme Shadrach ou le Niate. Comment vous chantez? Si on vous le pointe. Si qu'il est athée. Ce sont des accusations gratuites. Il est Nimastaki à Bongo. Ah, pour la bande, mais du coup, bah, humble. Comme nos frères. Vous savez, vous priez tout. Tu vas vouloir ne qu'à la parler. C'est un dérache. Dérache. Un directeur ou boule. Ce n'est pas un simple directeur. Ça, chef de quartier. Comme chef de quartier. Mais chier où les copains? Il est là assis. Donc, ne jugez pas des choses. Apana, Moukolangara, ma frère, Moukanis, dans la match. Il est dans l'église avec des yeux charnels. Cette histoire-là n'existe pas parmi il est membre à Mankunji. Ni complexe, Joey pour le mouton soit. Et en plus de cela, Nazaïdi Ayo. Chaque fois que tu connais ma birio, tu connais ma fête, nous sommes éprouvés. Ah, bah, frère, bon, t'as, bah, béni, m'kona sema, bambayo, bah, régine, banani. Joe, bah, le mouton a épuisé à outance. Ce sont eux que vous utilisez. Comme Mouzé l'avait dit autrefois. Non, mais dans les fêtes, quand vous ne donnez pas les choses à bien éane. Mais qu'on a tous en franc et à courir à votre yabo, par exemple, on a fait utiliser chez eux. Et vous ne le savez pas. Ils apportent là pour organiser le fête. Allez, ma mingue, ma piquant, comme ma fête yen en bureau yen. Si pas toi, ma vie, ma frère. Ceux qui font les services traiteurs, ce sont les épouses de vos frères. Bah, du coup, on a eu les mabèques, comme qu'on n'a pas agi à elle. Bah, t'as vu, c'est pas compliqué, ma fête considération. Ma bureau yen. Vous pouvez bien organiser le fête. On a tout comme qu'on a voyé, vous cotisez. Tu peux pas, bah, quoi, là, il est l'esprit, il est, moukou, non, j'ai, c'est, il peut faire ça. Ni Kilioka, ni Kiamoukambo, moule, que tous les frères du centre urbain, bah, les ambas, ambiaonaka, vous qui dit. Que vous n'avez jamais vu à vos deuils. Moi, tu me dis, ma question, c'est faux. Ce ne sont pas des bonnes questions. Vous voyez. Naona. Donc je disais ceci. C'est malgré la bonne volonté de l'Église, Kanisa, elle n'a pas les moyens Kanisa, aina nanamna, pour résoudre tous les problèmes Kanisa, des frères et des sœurs. Il est mouyandjik. Ça, notez-le bien. Deuxièmement, lorsque vous voulez juger l'Église, vous devez être pur de cœur. Avoir un discernement juste en toutes choses. Avec des preuves tangibles. Vous voyez, frère, pour éviter d'être un instrument du diable, un instrument du diable dans cette église, un critiqueur, un calomniateur, il faut éviter cela. Il faut éviter cela. N'a pas sa kwepuka ile roho. Ça c'est vrai. I ni bia kweli. Si vous ne tirez pas attention, kama ausopoke, Satan va t'utiliser. Shetani atakutumikisha. Tu deviens son agent. Unakuwa chombo chake. Unapatana benjako wale ambao beko na mademo. Tu vas te retrouver avec tes amis et les autres mal affermis. Basho kamilika. Mnaanza kushimanga kanisa. Tu commences à médire l'église. Et c'est par cette voie là. Na kupitia ile njia. Mtatoka na mkanisa. Vous allez finir par quitter l'église. Oh, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas l'amour. Mapendo, la Bible dit dans Tite, chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Soyez purs dans ce que vous faites. Maintenant, comme on engia ça qui ou quoi que tu fasses, on engia mon canisa qui mutualité. Tout à quoi nous mettons pour avoir être assisté, avoir des lettres. Ta faute en belle qui a Kwanza, Rome ta catif à pas nous que tu fasses ya canisa. L'entrée de l'église. Et troisième, ma frère. Nous l'avons déjà enseigné. L'église est responsable des siens, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui ont prouvé qu'ils sont membres de cette église. Frère, sœur, vous-même, être membre, il faut prouver cela. Il n'a pas ça qu'il y a kikisha. Les conditions pour être membre. Tu dois être régulier à l'église. Tu dois payer régulièrement tes dîmes et tes offrandes. Le malheur de cette église doit être ton malheur. La joie de cette église doit être ta joie. Vous voyez, frère, vous devez prouver cela. Vous connaissez l'église, tu ne viens pas régulièrement. Bah, frère Benyeu, les frères famille, ne te connaissent pas. Bah, sœur Benyeu, les sœurs famille, ne te connaissent pas. Ouais, moi-même. Aoutembeleake ba frère, aoutembeleake ba sœur. Ne visite pas les sœurs. Ouais, on est cala kwako. On apprend à quoi kutembele. Mais ouais, kutembeleana à part. Aller visiter les autres, non. Ouais, bila kutembeleana. Sans pour autant. Déjà, on voulait du plein de la semaine. Ba frère, ba tembeleake. Non, les frères. Ba sœur, ba tembeleake. Les sœurs ne visitent pas. Mais où les sœurs, na frère, ni ouais, ya tembeleake. Ni ouais, aoutembeleana. Commencez d'abord par visiter les autres. Et les autres viendront te visiter. T'as pas kutembeleya. Fwanyango ujulikane mkanisa. Tu sois connu dans l'église. Ujulikane bien. Tu sois connu mubizuri. J'avais pris une semaine. Nilibebaka juma mzima. Pour parler de ça ici. Être bien connu dans l'église. Uya muntu akujulikana mzuri mkanisa. Kila maemba. Chaque membre. Bakuye kuko pasteur. Tu dois être connu par le pasteur. Kama uko mui kanisa pasteur kuye mzuri. Tu n'es pas un bon membre. Una memba mzuri. Je reprenais certains frères qui ont fait deux ans ici dans cette église. Mais on est calamule yulu. Il reste là au quartier étage. Pour dire non. Tu n'as pas qu'à te présenter. On attendait que. Deux ans, comme on connaît ça, on connaît. À toujours. Ni pasteur à Koujoué, ni Badiakar à Koujoué, ni certains frères à Koujoué. Tu es faux. Aina mzuri. Uko na maisha ya dissimulation. Uko na maisha ya buficho ficho. Ili waupende wa frère wapate kujua. Eh, tu ne veux pas que les frères sachent. Angalia frère. Regarde frère, ndugu yangu. Je profite de cette question ici. Nafaidia kupitia hii ulizo. La manière. Namna. Ya ujulikane mukanisa. Connu dans l'église. Wanze kutembelea banduku. Wanze kutembelea badada. Na kuya. Kuya régulier. Être régulier. Mabirio ya ba frère. Lorsque les frères sont éprouvés. Ile mareke tunaletaka ile dada komalari. Wenda mutembele. Wenda mkamombe. Va prier pour lui. Frère, comme Alari, quand on va le voir. Où est frère? Non, on en doute. Où est Mouikanisa? Dans cette église. Kanisa Yaisha? L'église n'a pas. On a même pas congédié les gens. Parce qu'on a tout qu'on a tangaza. Frère Flan, et comme hôpital Flan. Frère Flan, et comme maternité. Oui, et comme Moulango. Oui, on est déjà Kwenda. Toi, tu es déjà parti. Tu n'es pas connu dans cette église. Ah, on a coutumé que la mukanisa y. On a peine de parler au tawana kirio. Lorsque tu seras éprouvé, que les gens viennent te visiter. Soyez connu de l'église. Coutumé na kanisa. Pas seulement du pasteur. Pas na pastori. Mais de l'église. Kanisa. Et soyez connu en bien. Coutumé mo bizuri. Mwe kanisa hii. Dans cette église ici. Kama damu waka songo. Si la sœur damu. Eko na mambo. Ni nani na musabu mwe kanisa damu waka songo. Ignore la sœur damu waka songo. Damakasongo a un véhicule. Eko mu centre-ville. Habite le centre-ville. Ninana na musabu damakasongo. Qui ignore la sœur damakasongo. Soyez serviteurs et servantes de cette église-là. De cette église-ci. Kama kuko makaji. Ou ya fwa na makaji. Viens travailler. Faire un travail à l'église. Toi, tu ne viens Kubirio, pas. Tu ne viens pas. Ma djgonjwa, ah, il y a des malades. Tu ne vas pas frère, visiter de frères. Tu ne vas pas visiter de frères. Mais tu seras connu comment? Batakujua Dieu. Comment est-ce qu'on va te connaître? Ou t'endras pas que tu plaindres, tu vas continuer toujours à te plaindre. Na misha yote sata ta ku derouté. Le diable va t'emporter. Tu vas t'éloigner. Vous voyez frère? Na onanduku. Vous voyez bien aimé ça. On a dans peine. Et quatrièmement, vous devez savoir tous que l'église ne s'occupe pas de tous les deuils. Non. L'église de Kambo ne s'occupe pas de tous les deuils. L'église s'occupe de ses propres deuils. Le deuil venant de Kabongo. Venant de Muchacha. Musumba. De Musumba. De Kananga. Apana. Non. Ce ne sont pas des deuils de l'église. Il est anabilio et akanisa. Voyez frère. On a un antuku. Voyez bien, bien, on a un antuku mpendo, dada mpendo. Nous nous occupons uniquement des deuils qui concernent cette église des premiers degrés. Oui, frère. Angara bilio tu n'as pas ça que tu connais du na abi. Alors le deuil que nous prenons en charge. Le deuil prise en même tu es décédé. Bibi yako bwana yako. Ta femme ou ton mari. Batoto yako. Tes enfants. Bazazi yako baba yako na mama yako. Tes parents. Voyez. Unaona. Ao bale bantu be comme vous connaissez kana ba munyumba. De notre foi. Benye kwa na imani mo anashie. Mais huko na ba munyumba tes frères tes sœurs. Bantu yako, badada yako. Tes belles sœurs. Ba semekia. Mais de notre foi. La kibale tunaamini nabo pamoja. Hapana. Eh non. Ata huko na kala naye. Mais il est chez toi. Mais il est comme méthodiste. Mais il est méthodiste. Ah, catholique. Il est catholique. Quand il meurt. Ba kaita kibale. Ba catholique be jokipe naye. Nous viendrons t'assister. Parce que tu es de notre et que ndio kiko munyumba yako. Mais atutauza sanduku. Juu ya muyomba yako. Juu ya muloko yako. Juu ya semeki yako. Ule ambaye kuna ubudu makanisa ingine. Qui est dénominationnel. Pourquoi nous n'avons pas fait? C'est par méchanceté que vous voulez le faire. Vous ne pouvez pas gagner vos jeux, c'est par méchanceté. Nous donner cette charge-là. Il y a un membre. Il n'est pas un autre membre. Comment allons-nous prendre en charge son deuil? Frère, chantez même un peu quelque chose. L'église n'est pas là pour aller chanter n'importe où. Nous ne sommes pas un groupe florique. Nous ne sommes pas un groupe. Non, non. Apana. Pour aller agrémenter, pour dire, non, non, ça, c'est... Ça, ce n'est pas le travail de l'église. Vous voyez, frère. On a un andouk. Comment ni, ni si yako responsable, ni yako, ou le weu responsable direct, en afouya mounyumba yako, vous voyez, s'il est de notre foi, tout est Dieu qui peut n'aller, parce que lui-même c'est notre frère ou notre sœur. Mais s'il est d'une autre foi, Kanisa yake, il est Dieu qui peut n'aller. L'église puisse s'occuper de lui. Kamana na Kanisa, s'il n'a pas d'église, Bakabila yenu, les gens de votre mutualité, ah, mais Dieu qui peut n'aller. Ils viennent s'occuper de lui. Ce n'est pas notre problème. Il a un abusito yetu. On il ficha comme le j'avais perdu mon jeune frère. L'église n'était même pas venu chanter à tu ne comprends absolument. Il est qui tout. Ni tu vas nous fournir un mazeb ou pas. Parce que dans les dénominations, on vous a mal enseigné. Mais quand on t'entend qu'on a coupé. Et si tu perdais ton fils, c'est notre charge. Il est une bougie toi et tout. Comment nous sommes venus à coupé. C'est notre charge. Alors, c'est notre charge. Comment on va aller à coupé. C'est notre responsabilité. Une bougie toi et tout. On ne raisonne même pas. À tout à waza, à ta kouaza. Nous viendrons. Tout à kouya, maramoja. Bwana na kukufa, c'est notre problème. Bibia na kukufa, c'est notre problème. Apana tuo, muyomba, alikufia kukinjasa. Mina wakilio kwangu. Tuko na kuya kukukonsole, comme des humains. Sawa binadamu. Aina sema uchunge tupatie na franga. Kukinjasa wanesha kuya kirio, tukueke tena kirio ingine, ono de l'église. Ça c'est une méchanceté. Il est aina mzuri. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Munaona kama bilio ya famille yangu mine mulaka kasemi nenda kulia wa muyo. Vous entendez, vous m'entendez, vous m'avez déjà entendu. Je vais à quelque part, je suis éprouvé dans la famille. C'est moi le frère qui tourne autour de moi. Vous voyez quoi, caribou caribou. Mais mita la kasemi non non, mine ni kona kiri, mine ni kona kiri. Je vais me déplacer. Je vais déranger l'église. Il est juste à ouest du couche de Nayukanisa. Il y a des choses importantes pour lesquelles l'église se dérange. Il n'a pas chaque bébé le bousito. Oh, c'est mes kiangu. Mon beau frère. Le grand frère de mon père. Yenjori commence à baba na kufua. Il a ma explication, il est tourné sur lui. Nous sommes des humains. De telles explications, on le sait bien. Ça va battre. Non, non, yenjori shikaka mama. Celui qui avait enterré ma mère. Oui, c'était bien. Il croit qu'il était nukizuri. Je connais ça, il croit que nous sommes. Que l'église vienne l'enterrer maintenant parce qu'il avait enterré ta mère. Non, frère. À Panandu. J'annonce à l'église. Julie Chaukanisa. Ma tante maternelle est décédée à Chikapa. Maintenant que nous prenons tous les tambourins, les instruments de musique que nous venons chez toi, arrêtez ça, bien-aimé. Il faut qu'il y ait sérieux dans la mungu. Dans les choses de Dieu, il faut être sérieux. Pana kutuiga kanisa. Romubaya pala mbao. Kanisa na romubaya. Et pour dire non, taxer l'église d'être méchante. Kama nduku yako, mkubwa yako, semeki yako, anakufua, muyomba yako, sangaji yako, anakufua. Tuto kutoko nakuya kukompatiri na weye. Mais ce n'est pas notre charge à kirio. Ce deuil-là n'est pas sous notre responsabilité. Oh, mina weya kirio kwangu, tutakuya. Tes amis propres viendront. Kula kukularisha ina mambo. Mais on ne demande pas l'église. De venir dormir avec toi. De venir passer une nuit chez toi. Je pense que je suis clair. Lazani, Paimambo. Est-ce que je suis clair? Nikowazi. Donc, en dehors, il y a Bibi Yako, Bwana Yako, Batoto Yako, Bazazi Yako, Bale Banafui ya Umu, na Bale Banduku Yako, Baiko Nekala Kunyumba Yako, vous voyez, Bale Eko Mou Responsabilité Directe Yako, Kama Nafui ya Mounyumba Yako, l'Église t'assistera, parce que c'est sa responsabilité. Mais Bantu Bote Apana, Bantu Bote Apana, pour le reste, non. Mais kama muyomba yako anakufia ukamina unakuwa kutuambia kusema niko nenda kuria muyomba shina na makuta tutakupatia transport. Nous allons t'aider avec le transport. Nous l'avons toujours fait. Nous l'avons toujours fait. Est-ce qu'on si on le fait pas? Kama nawa kutuambia kusema mimi nenda kuria kia seme kukolwezi shina na transport. Tutakulipia transport. On va payer pour toi le transport. Voyez frère. Unaona nduku. Oh mama muloko oh, anafuya kufungwa kunani kukasumbalesa mishi na transport kulipa uya tutakupatia transport tenda kubia mnyumba me bale barafia kobe ko intime bale kwa kompanyi ils sont très proches de toi, ils peuvent t'accompagner au deuil. Mais apana kutafuta bantu maintenant il ne faut pas chercher à ce que tout le monde vienne au deuil. Mais kama baba yako, mais si ton père anakufua inje décédé en dehors de Kambov, on envoie toujours na tumaka kilamara une délégation pour ne pas déranger l'église. Je me dérange. Je me dérange l'ancien. Ou l'un des diacres. Non, pour le présenter. Pas les frères Patrick Arfichaka. Parce que le frère Patrick avait perdu. Kouluambo. Baba Yak. Son père. On avait un prédicateur qui prêchait ici. Moi et l'ancien, nous sommes allés à Luambo. Nous sommes occupés. Il y a Baba Yak et Tunarudi. Kukilu à Mouzazi Wak. Et puis nous sommes rentrés. Nous faisons ce qui est à notre pouvoir dans les limites de la parole. Il na wezikana kwetu mimi paka ya neno la Mungu. Baba yako mwenyewe ni mfumu. Ton père est devin. Mama yako ni huyu tu mpagano wa kulewa lutuku huyu. Anakufua. Elle est morte. Sasa ndio shitu kutendo kwa fani ibada kule. Maintenant nous allons organiser le culte là-bas. Hapana. Non. Siko na baba ndio kuna na lutuku kwa tafaku kuimbia. Ba mfumu batafanya ma batafanya ma la cérémonie. Mais chie. Sasa ni baba yako. Etant donné que c'est ton père. Mumwi la uwezi kumkana. Tout à kusaidia avec une enveloppe. Tu sais que baba yako mzuri. Que tu entends dire ton père. Inasimamia pale. Non frère, papa c'est bari kuyaka tu baba yangu la mbani mtesea. Aba ombe atakuomba. Ni même pas prier. Tu nous demandes trop. Una tulomba bya kuzidi. Nous n'allons jamais faire cela. Alors il faut être juste dans vos jugements. Et sachez-le tous. Tous les deux qui sont organisés en dehors de Kambov ne sont pas à la charge de Kambov. Non. Non. À moins que ce soit un frère. Et c'est pourquoi Awenduku, en a fui ailleurs, qui est mort ailleurs. Puis le Mouzari fuit à Koulikasi. Comme l'ancien est décédé. Voyez, quand Mouzari est mort à Likasi, on a vu directement notre responsabilité. Vous n'étiez même pas informé. J'ai dit à l'ancien, au diacre, venez vite, vite, pas diacre, comme le chacun. Allez vite, vite récupérer le corps. Tu ne peux pas courir, tu n'as pas. Tu dis, attends, où est-ce que tu es qu'à l'église à Likasi, Bujito? Kama uko memba wetu unafia kukolwezi tutafanya nguvu ya kuramene huku pour ramener ton corps ici. Ah tutabeba kanisa yote tuende na kukolwezi hapa. Kama familia yako ina kankama na seme bakujie kukolwezi. Nous serons à kolwezi comme des responsables. Kule kukolwezi tutakujia sanduku et nous allons donner à votre famille ile enveloppe ya kurudisha kilio. Mambo yote tunashuhudia pale. Nous arrêtons là. S'il faut prêcher, nous allons prêcher. Mais comme tu es un frère, que nous avons une église sœur, si l'église peut nous aider, ok, ça va nous aider. C'est comme ça qu'on fait les choses. Quand on a organisé Kirio, en dehors, il y a Mugini et Kambov. Que ceux qui sont dehors là puissent s'en occuper. Vos amis intimes vont vous accompagner. Ah. Mais si c'est un frère, ça c'est un autre cas. Voyez frère. Voyez sœur. Voilà comment il faut voir les choses. Éviter les accusations gratuites. Voyez bien les mes frères. Donc, il n'y a pas de classe parmi nous, c'est faux. Parce que vous ne saurez pas prouver cela devant Dieu et devant la parole. Nous nous efforçons à agir correctement. Na kwanema ya Mungu, akuna frère atan moya, mui kanisa yi, qui qu'il soit, ou l'air quoi qu'on a kirio, si tu l'as chino comme ça, nous avons manqué de l'assister. Ça n'existe pas. Et Dieu nous est témoin. Cet esprit-là n'est pas à nous. Pour le reste, évitez les accusations gratuites contre l'Église. Ça, le conseil que je vous donne. Soyez seulement un bon chrétien, une bonne chrétienne dans cette assemblée, de bonne réputation, bien connu par le frère, être bien connu en bien. Faites-vous les amis parmi les frères et les sœurs. Et ayez un bon témoignage parmi vos amis. Soyez un chrétien affermi, un chrétien régulier. N'abandonnez pas votre assemblée. À part, on a kusani comme un chukumbiri. Tu réunis deux jours avec nous. Deux semaines, nous kofa shingine. Tu es ailleurs. À part. Non. Deux on a ikanisa. Demain avec cette église. Frère, on a ikanisa. Réjouis-toi. Prouvez que vous êtes un bon membre de cette église. Souffrez avec cette église. Réjouissez avec cette église. On a ikanisa. Voyez bien mes frères. On a ndukumpendo. Wanze kuenda kubiri yo biote. Kama unasikia frere kuna kirio, kuenda lala. Frere te prouve, va passer la nuit au deuil. Si mine mfana ka regulierement ma remarque. Je vous ai toujours fait des remarques ici. Ubu tuku kirio frere wa mwi kanisa na fisha mtoto yake. Un frère de cette église a perdu. Ba frere ba mingi wanekala. Olia kuikala ata mpayote kule karibu na frere na se. Ils sont là, les pains en train de parler, de l'union sacrée, ici à la morgue. Est-ce que vous pensez que moi je ne vous observe pas? Tena ba frère, chorale qu'on a la chorale, ça c'est la fête de la chorale. Où y'a nekala pa moto yake, où y'a nekala kichi, où y'a nekala kichi. Ils sont en train de parler de l'IDPS. Ici à la morgue. Ça, on appelle papa Kiro ya que tout le monde vienne. Ils sortent même leurs yeux pour les déposer sur le cercueil. Joe, tu sauras que réellement cette église a de l'amour. Alors que le jour où quel autre était approuvé, tu observais ça à distance. Bible, la Bible, Luc chapitre 6, verset 31. Qui le ouais on appelle à vous fournir, d'angourir à mettre pour y fournir, benguine. C'est ça la règle. Il est jokanuni. Do. Ya nguvu kabisa ya msingi. Comment on a peindre à couler la couverture? Si tu veux, à ce que j'ai fait passer, quand ça coule la couverture, ma frère, ma sœur, alors on saura que frère Kati, couverture bien haute dans la laca. À tous les deux, nous ne pouvons pas vivre. On a ouais, quand tu rends les autres redevables. Na ouais, on t'a couvert. Tu sais, tu vas mourir. Bata on a Kati na ya ça. C'est par devoir. Il n'a quoi ma pas choix. Voyez, on a honte. On a couvert. Ils viendront. Parle ouais à frère ou naïachenda Kubirio. Il ne fréquente jamais les deuils. Oui, là, il a comme un chamba. Allez, comme un chamba. L'un va au champ. Vous récoltez ce que vous avez semé. Inolipanda. Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. Est-ce que mon achiki? Avez-vous bien compris? Nina na shishiki. Qui n'a pas bien compris? Vous voulez qu'on a question à Olise direct? Qui a une question à chaud? À la mouke, à la mouke. Ma soeur à quoi frère? Après ça. Qu'on ne revienne pas sur cette question. S'il a une sous-question sur ça, qu'il se tienne debout et la pose. Ça va? Akuna question. Il n'y a pas de question. Akuna Olise. On a frère Villa Randika ou le frère ou la sœur qui a envoyé. Donc il veut une délégation. En appel à Kundia Shemashi. Frère, c'est terrible avec le frère. Conduire une église, c'est pas facile. On a toujours envoyé une délégation de conducteurs. Comme on a tout envoyé même deux conducteurs. C'est déjà l'église qui est représentée. Il a écrit en un bon français. Que je sois être accompagné en cas d'une délégation de diacres. Les diacres viennent toujours. Comme ainsi beaucoup d'autres membres. Peu importe le lieu où se trouve le deuil. Je n'ai pas dit que ton père va mourir. Quand tu seras endeuillé, tu verras comment l'église Mais sachez que que l'église a beaucoup d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Nous souffrons beaucoup. De fois, cette église ici, que je vous le dise, elle est gérée par des dettes. Moi, j'ai des principes. Le frère Kano est dans le fond. Dès qu'un problème arrive, même si on n'a pas un sou, dans l'église, il faut trouver une solution. Il n'a pas ça où il faut apporter une solution. Il faut emprunter. Un frère qui a l'argent, tu es chez les membres, ses problèmes. C'est comme aujourd'hui. On va terminer avec lui aujourd'hui. Je reçois des visiteurs à la maison. Mais Amuna Bunga, il n'y a pas la farine, il n'y a pas la. Je ne peux pas venir à ce frère. Vous arrivez à un mauvais moment vraiment. Les autres viennent visiter alors qu'on a la farine. Pendant que vous êtes là, il n'y a même pas la farine dans la maison. Chérie. Viens d'abord avec le sac. Regardez d'abord dans ce sac ici. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut faire ça? Mon devoir. Ma pacha yangu. Je dois aller chercher. Que j'ai de bons condiments. Que j'ai des tilapia. Qu'on prépare à manger. Qu'il mange. Qu'il boive. Et que les visiteurs aillent avec joie. Mes souffrances ne les concernent pas. Vous voyez, frère, je ne peux pas me plaindre. Ça va, Mzuri, je pense que vous avez compris. Nazani, munaelewa. 11h, presque 20. Tuko, karibu 11h20. Kaminanza, une question. Si j'ai commencé avec cette question. Si je commence avec ça, Nikianza, na iswani, ça va me prendre beaucoup de temps. Tanibeba, wakati murefu. Quels sont réellement les péchés qu'une personne remplie du Saint-Esprit peut commettre? Ni mazambi kani kweli kweli ili mtu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu anaweza kutenda? Afin que nous le connaissions. Ili tupate kuyajua. Parce que vous nous prêchez toujours qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut pécher ou broncher. Vous êtes d'accord que Nidjibu dimanche prochain? Êtes-vous d'accord que je réponde à cette question le dimanche prochain? Qui sont d'accord afin que je puisse répondre à cette question prochainement? Ça va. Neyacha. Parce que Itanilomba Bitubilefu. Je mets de côté d'abord cette question, ça va me demander beaucoup de détails. Pour aujourd'hui, Dieu à Léo, nous nous arrêtons ici. Que Dieu vous bénisse. Mungu, apate ubibariki. Que Satan ne vous trouble pas. Shetani, ashimuvuruka hapana. Nous sommes une église du Seigneur. Tuko kanisa ya Bwana. Nous nous efforçons toujours à vous servir. Kila mara tukurejikaza, njua kumitumikia. Kama aunione mie, si tu ne me vois pas moi, utamona muze. Tu verras l'ancien. Kama une muze, si tu ne vois pas l'ancien, utaona l'un des diacres. Tu verras mmoja wa bashimashi. Kama unaona muze, Si tu voyais l'ancien, unaona ba diacre, et tu vois les diacres, hautone, aunione mimi, tu ne vois pas moi, aone muzee, tu ne vois pas kusema, sache que bale ba diacre unaona les diacres que vous avez vu là-bas, unaona, c'est moi que tu as vu, et c'est l'ancien que tu as vu. Nous sommes dans le corps. Tuko ni mwili. On a encore d'autres problèmes dans l'église. Na mambo mengine mkanisa. On se partage. Tunakabulanaka. Moi mukafane hii. Vous allez faire ça. Nous nous occupons de ça. Mais mambo ya buchakuzi mkanisa. Mais la discrimination dans l'église. Jusque leo hii. Ufika ta leo. Ainam. Ya pasa. La mauvaise chose que nous voyons, c'est ceux-là que vous accusez comme quoi. Mais quoi la maïsha ya yulu? Mouye, Dieu mukone bate soixante tena ni bat moyen. Vous avez fait des, frères qui ont des moyens, un peu de moyens. Par quoi va esclave? Parce que mukone va yembele la sana. Vous accrochez tellement à eux. Chez Bote, tu es équilibré. Chez Bote, tu es dans le même mesure. Chez Bote, moi, Kanisa. Nous tous dans cette église. Toise Kutumika. Commençons. Naki Fukuji a kusaidia y Kanisa. C'est le but d'aider cette église. Kama y Kanisa, c'est suffisamment dans ma moyen. Chaque fois qu'il y aura un besoin dans le temps, chez un frère, chez une sœur, l'église sera, prête pour, servir. C'est croyant. Kusaidia le maminif. À ceux qui semblent avoir des moyens. La Bible dit, quand les biens abondent, et ceux qui amangent aussi abondent. C'est ça la règle d'égalité. On échette de pierres que sur un manguier où il y a des manques. Avez-vous déjà vu un arbre où il n'y a pas de manguier et de mangues que les enfants viennent jeter des pierres? Mais éviter d'accuser l'église gratuitement. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Accuse-moi individuellement. N'engage pas l'église. Goindai est différent de l'église. Goindai était membre de l'église. Joseph était membre de l'église. Mais Joseph n'est pas l'église. Raymond n'est pas l'église. Toi, tu n'es pas l'église. Mais toi et moi, et les autres, nous formons l'église Seigneur. Soyez prêts pour servir l'église. Où est Ayari? Kifupi, mina penda kusema. Chebote, tukuye batumishi ya kanisa. Donc, soyons au service des frères et des sœurs. Kutumikia wanduku na wadada. Kusaidia wanduku na wadada. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Apate kubibariki kwa asubuhi ya leo. Levons-nous pour un mot de prière. Tusimame, tumsemo dogo juu ya maombi. La chorale peut nous entonner un cantique. Kwaya, tunguze na nyimbo. Deux couplets. Ma couplet mbiri. Et on va prier. Na kisha, tutaingia katika maombi. ensemble. Tuombe sisi wote pamoja.